Bonjour Mélissa, donc tu es doctorante à l'Université de Laval avec Florence Piron. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce que tu fais? Oui, donc je suis doctorante en communication publique, puis j'étudie les processus de démocratisation des sciences. En fait, j'essaie de démêler un peu tout ça, qu'est-ce qui existe, comment on pourrait conceptualiser toutes ces pratiques-là très différentes. D'accord. Et donc j'ai une première question, qu'est-ce qui pour toi ne va pas dans la recherche aujourd'hui? Un point majeur? Bien, en fait, moi, ce qui me dérange le plus en recherche, c'est que je trouve qu'on a d'une part une recherche qui est très, très déconnectée de ce qui se passe dans le monde. Donc, une recherche très en vase clos et un idéal scientifique de rester à part du monde social et du monde économique, du monde politique. Et d'autre part, on a une recherche qui est de plus en plus investie par le monde économique. Et à mon avis, il faut sortir de cette espèce de dualité-là, d'un idéalisme qui n'existe pas et qui se peut pas. La science est toujours influencée par le politique et le social. Puis en même temps, d'un autre côté, on laisse plein d'influences se faire sans en discuter, sans y D'accord. réfléchir. Alors, pour moi, et je peux répondre. Oui. Donc, pour moi, c'est ça le problème D'accord. majeur Ouais, je en comprends mieux. science, même plus qu'en recherche, en science en général. D'accord. Vers quoi tu aimerais que la recherche tende? Qu'est-ce que tu aimerais plus tard, quand tu seras une chercheuse, voilà, la recherche, idéale pour toi? Mais dans la continuité de ce que je viens de dire, pour moi, la recherche idéale, ce serait donc d'aller vers une ouverture de la science à la démocratie. Donc, D'accord. pas l'ouvrir juste à l'économique, mais l'ouvrir à la démocratie, puis qu'il y ait débat public sur cette façon, cette ouverture-là. On peut décider, et je pense que ce serait une bonne idée, de garder une indépendance de la recherche, par exemple, de la partisanerie, Ouais. mais quand même ouvrir à des processus d'influence des citoyens D'accord. Et tu as sur la des recherche. initiatives inspirantes comme ça? En fait, il y a plein d'initiatives inspirantes. C'est un peu ce que j'essaie d'inventorier dans mon D'accord. doctorat. Là, on OK. vient de voir les boutiques de sciences où OK. des questions de recherche peuvent venir des communautés. Ça, c'est super intéressant. Il y a la recherche collaborative qui est différente un peu, mais qui est un peu le même concept de créer un projet de recherche en collaboration avec des organismes de la communauté. Mais sinon, ça va aussi d'ouvrir les débats des grandes orientations. Là, on vient de voir au Canada, le gouvernement Harper qui a décidé que la recherche devrait de plus en plus servir à l'industrie. Mais ça n'a pas du tout été débattu pendant D'accord. la campagne électorale. C'est une décision qui est Qui vient du unilatérale, haut, c'est ça. d'accord. Donc, OK. ouvrir à Ouvrir les tous débats. les niveaux. Puis il y a plein, plein d'exemples très intéressants dont on peut s'inspirer, je OK. pense. Bon, bah, bon courage avec ton doctorat, on suivra ça de près. Eh bien, Merci. merci.